Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et cette semaine, c'est Bulle de Rêve, l'émission consacrée au cinéma d'animation. Alors aujourd'hui, on reçoit trois invités. Il n'y a pas de thématique dans cette émission, mais il y a trois invités très différents. On recevra d'abord Jean-Jacques Launier, organisateur de l'exposition Miyazaki Mebius. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et ensuite, bonjour. On recevra Franck Petita, directeur de l'École européenne supérieure d'animation à Orly. Puis Louis Brissegno, réalisateur, enseignant, producteur avec Métronomique, voilà, qui clôturera cette émission. Serge Cordman, toujours fidèle au poste. Bonjour Serge. Bien sûr, c'est ma drogue. Voilà, et puis Alexis Huneau est revenu cette semaine, donc il n'a pas trop souffert la première fois. Non, c'est un plaisir. Voilà, et alors. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Alexis a un petit peu de mal parce qu'il a couru, il est en retard, enfin ça commence bien. Bravo Alexis. Je vais m'arranger, promis. Bon, très bien. Alors, Annabelle n'est pas là cette semaine parce qu'Annabelle est occupée par ailleurs. Vous avez remarqué qu'Annabelle est très occupée en ce moment. Alors, Jean-Jacques Launier, donc vous êtes l'organisateur d'une exposition dont on parle beaucoup, Miyazaki Mebius, qui a commencé au début du mois de décembre et qui se déroule jusqu'à... Ça y est, j'ai déjà perdu... Jusqu'au 13 mars. Voilà, donc on a le temps d'aller voir. Apparemment, on s'y précipite. C'est à l'hôtel de la Monnaie de Paris. Donc c'est sur les quais Conti, c'est en face du Louvre, en fait. Hein, voilà, et, dans le 6e. Ouais. Absolument, c'est ce qui donne des fenêtres de ce musée, une vue fabuleuse sur le Louvre, la Samaritaine, le Pont Neuf. C'est assez magique. Et vu que les gens ne connaissent pas vraiment encore tout à fait cet endroit, c'est à la fois la découverte de l'exposition, mais à la fois la découverte du lieu. Oui, en général, on voit de l'extérieur. Hein, on passe devant, ça c'est sûr, parce que c'est un passage très fréquenté, mais je ne pense pas qu'on imagine qu'à l'intérieur, c'est un bâtiment qui a été commencé de construire en 1752 et qui est un espèce de petit Versailles complètement magique. Donc, qui sert d'écrin à l'exposition, qui met vraiment en valeur, à la fois dans le contraste, parce qu'évidemment, on parle de deux artistes contemporains, et à la fois, c'est vraiment un écrin pour les bijoux que sont les dessins de ces deux artistes. Alors, juste, Hayao Miyazaki, bon, je ne sais pas s'il y a besoin de le présenter. Il faut. Nous avons des jeunes qui ne le connaissent pas, j'en suis sûr. Grand réalisateur de films d'animation japonais, chez lui, c'est une star absolue. Ici, c'est probablement considéré comme le plus grand réalisateur de films d'animation au monde. Je suppose que beaucoup de gens ont vu Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke, notamment, bon, parce que c'est deux derniers longs métrages qui ont eu un succès public très important. Puis Mebius, c'est quand même un grand, grand personnage de la bande dessinée qui a fait parfois quelques incursions dans le cinéma, notamment dans le cinéma d'animation. On se rappelle des Maîtres du Temps de René Laloux, par exemple. Pourquoi Miyazaki et Mebius, d'où c'est venu cette idée? Alors, c'est vrai que pour les connaisseurs, bon, il y a un historique commun entre les deux. Mebius a en effet énormément travaillé sur la bande dessinée, comme chacun le sait, à la fois sous son personnage et sa signature de Jean Giraud pour Blueberry, mais à la fois sous sa signature Mebius, où il a travaillé beaucoup quand même pour le cinéma, et ça on le sait peu. Donc c'est vrai qu'à l'exposition, il y a beaucoup de dessins, et je dirais qu'il a quand même marqué de son empreinte le cinéma. C'est quand même avec Jodorowsky, il y a beaucoup de choses. Avec Jodorowsky, ils ont travaillé sur la création de Dune, en fait, qui n'a pas été réalisé, mais ça on voit le storyboard là-bas qui fait 400 pages plus des dessins de recherche. C'est une histoire assez fabuleuse parce que c'était avec Jodorowsky, avec Giger qui faisait certains décors, avec Pink Floyd qui avait signé sur la musique. Enfin, c'était un truc de fou furieux qui ne s'est pas fait parce que le projet était complètement fou furieux, mais qui a influencé tout le monde, notamment la création du personnage d'Alien. Enfin vraiment qui s'est... je pense qu'il y aurait tout un sujet à faire sur rien que sur Dune, parce que c'est vraiment une saga inachevée, mais qui a influencé tous les films de science-fiction de l'époque et encore maintenant. Et c'est vrai qu'il, c'est un type qui a travaillé avec George Lucas pour Willow, avec James Cameron pour Abyss, avec Ridley Scott. Enfin, c'est un Français qui a quand même influencé fortement le cinéma, qui a vécu un petit temps à Los Angeles d'ailleurs. Donc il est un des maîtres de la BD absolue. Il est très fort et très influent dans le cinéma. Et évidemment, il a créé aussi le personnage de Arzak. Et les réminiscences de son œuvre ont vraiment influencé aussi le Japon, quoi, et notamment Miyazaki qui le dit, quoi, et qui dit qu'à l'époque où il dessinait Nausicaa, qui est évidemment un manga célèbre, qui est devenu un film et le premier film réalisé par les studios Ghibli, il avait vraiment comme livre de chevet Arzak. Et je parlais avec son fils Goro Miyazaki, qui tient le musée Ghibli au Japon, qui me disait à l'époque, j'étais môme, mais je voyais les bandes dessinées d'Arzak, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et c'est vrai que, sans pomper, bien sûr, mais l'influence était évidente. Et de la même façon, quand Jean Giraud, Mebius, donc, a vu les dessins animés, mais il y a plus de 15 ans, il a été un des premiers à clamer le génie de ce réalisateur. Enfin, et ils ont eu, à travers les continents, une influence permanente, constructive, évidemment, sans vraiment se connaître. C'est-à-dire qu'ils s'admiraient sans trop se connaître. Ils se sont rencontrés déjà plusieurs fois. Mais Miyazaki, parlons pas anglais, Moebius m'a raconté que c'était pas évident, parce qu'il se regardait, il me disait, on se serrait la main et tout passait par les yeux, quoi. Et au mieux, avec un traducteur, il me disait, c'était compliqué, on se disait, j'aime beaucoup ce que vous faites, moi aussi. Mmh. Et c'est vrai que très récemment, ils sont venus tous les deux, et Miyazaki nous a fait l'honneur de venir au vernissage de l'exposition et visiter l'exposition. Et là, on a organisé une rencontre filmée avec un interview croisé. Et Moebius me disait, c'est la première fois qu'on a vraiment pu s'exprimer chacun, puisque c'était un interview croisé, on a pu vraiment chacun dire ce que l'un pensait de l'autre, et ça a été merveilleux. Et c'est une interview qu'on est en train de monter, qui va être diffusée en permanence à l'expo. Et c'est vrai que voilà un petit peu la genèse de l'histoire. Je vais essayer de faire court, quand même, parce que j'ai l'impression de parler tout le temps. Non, c'est bien, les invités qui parlent. Juste, on se rappellera aussi que, lors de pas l'intégrale, parce qu'il y avait quelques films de Miyazaki qui étaient passés à Annecy, Moebius lui-même était venu présenter Miyazaki et dire à quel point il était admiratif devant l'œuvre de Miyazaki. Ça donnait une séance de Totoro absolument inoubliable où tout le monde était debout pendant 20 minutes à applaudir et Moebius applaudissant aussi Miyazaki. Enfin, une très belle séance. Oui, ils ont adopté à Annecy la politique anglaise du standing ovation. Oui, qui s'est renouvelé là, puisqu'il y a eu la présentation du château ambulant, et ça a été extraordinaire, quoi. C'était une standing ovation au début, avant le film, quand Miyazaki est monté sur scène, et après, surtout, ce qui était encore mieux, puisque tout le monde semblait content, et ça a été une standing ovation interminable à la fin de la projection. Donc, bon, c'était quand même... Miyazaki n'est pas resté longtemps à Paris, mais a priori, il n'a pas été déçu du voyage. Je crois qu'à l'origine du projet, je crois que Jean-François Camilleri, le directeur général de BVI, a joué un grand rôle. Donc BVI, Buena Vista International, qui distribue les films de Miyazaki, notamment. Tout à fait. Non, et c'est, je dirais qu'il a joué le rôle déterminant, puisque au-delà d'avoir eu l'idée du concept, il a pris les risques d'organiser quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que il est à l'origine de ce projet, comme il est à l'origine, je dirais, du côté grand public de Miyazaki. C'est vrai que, bien sûr, les grands connaisseurs, comme en effet Moebius, Jodorowsky, ou vous-même connaissiez, mais il a fallu qu'à un moment quelqu'un prenne un risque et se dise, je trouve ça génial, je mets les sous, enfin on sait que c'est cher de lancer un film, parce que je trouve que ça en vaut la peine, il faut que les gens le connaissent. Donc c'est vrai qu'il l'a fait sur Mononoke. Et ça a fonctionné, quoi. Donc, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les autres pays européens. Donc, c'est vraiment une prise de risque que les Anglais, les Italiens, les Allemands connaissent moins bien, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le distributeur qui a dit, bon, moi j'y vais, quoi, je fonce. C'est vrai qu'il a été récompensé, puisque Chihiro a aussi cartonné, et que même ça nous permet de découvrir des films comme Le Château dans le Ciel, comme Kiki, etc., où maintenant il y a un véritable accueil. Donc, je trouve que ça, c'était très courageux, parce que c'est pas évident. Et là, alors, ce que je trouve encore mieux, c'est en effet qui nous a aidé à monter cette exposition, aidé dans les grandes largeurs. C'est-à-dire que on a pu avoir accès à des lieux fabuleux, monter une vraie expo, et je dirais pour l'amour de l'art, quoi, parce que c'est hors cadre promotionnel. Le film ne sort que dans 2 mois. Ça arrête quand même un peu, hein. Mais je dirais que il pouvait aussi rester chez lui, coller des affiches partout 15 jours avant la sortie du film, et il prenait à ce moment-là aucun risque, et ça fonctionnait pareil, quoi. C'est en ça, je trouve que c'est comme ça, on croise de temps en temps des gens assez fabuleux, parce qu'ils vous permettent de faire des choses, de relier Moebius, enfin, vraiment faire une histoire cohérente, et je trouve que vous verrez l'expo, il y a quelques dessins du château ambulant, enfin, il y a pas des posters partout. Là, vous y êtes allé, c'est tout sauf de la promo, quoi. Alors, il faut dire que vous avez une galerie. Absolument. Art ludique. Vous n'êtes pas à de première exposition liée à l'animation, puisqu'il y a eu Octomo il y a peu de temps. Tout à fait. Mais non, c'est vrai que on a une grande passion qui, avec Jean-François Camilleri dont vous parliez, et on est toute une petite équipe avec Diane Vallambois que vous avez sûrement rencontré. C'est effectivement notre propos est de dire que les artistes du dessin d'animation, de la bande dessinée, du jeu vidéo, sont des artistes contemporains, quoi. Je veux dire, on voit très bien, à travers de grandes expos comme la FIAC, c'est un certain courant artistique appelé contemporain. Pour le moins, on peut dire que des grands artistes comme Moebius, Miyazaki, enfin, et tous ceux dont on parle, et les jeunes qui sont amenés à être connus, qui sont vivants, qu'on se mérite, parce que c'est toujours un peu dommage d'attendre que les gens soient morts pour les reconnaître. Nous, on essaye à la galerie, bah, de faire découvrir à la fois, enfin en tout cas de les amener sur un territoire d'art contemporain, je trouve déjà, pour les gens qui sont connus, comme Otomo, comme Moebius qu'on a reçu à la galerie, comme Giger qu'on a reçu, Giger étant connu globalement pour être le créateur d'Alien, mais quand on voit à la galerie l'exposition, c'est un peintre fabuleux qui a influencé, qui a créé le concept de la biomécanique dans les années 65, qui a influencé la peinture, et c'est un artiste contemporain, comme Moebius a fait une expo dans notre galerie, il a fait des grands portraits de Blueberry, c'était des grands tableaux, il n'avait jamais vraiment fait ça, travaillé en tout cas en grand, grand format, et c'est notre propos, c'est de montrer que les artistes jeunes ou moins jeunes contemporains sont aussi dans la BD, sont aussi, et que l'entertainment, enfin le divertissement, etc., n'empêche pas d'être un artiste à plein temps, quoi. Et souvent, les gens vont voir un dessin animé, donc forcément, ou achète le DVD, donc quelque part, c'est un produit, quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, tout ça, c'est créé par des grands artistes. C'est un crayon qui dessine sur une feuille de papier et qui donne vie et qui donne de la magie. Donc, le propos de la galerie et le propos de l'exposition Miyazaki Moebius, c'est de montrer un peu l'universalité, le talent et l'artiste contemporain qui se cache derrière ses œuvres. Quelles sont les difficultés pour se rendre compte de l'art de l'animation ? Parce que le dessin, ça existe depuis toujours, la peinture aussi, mais l'animation, c'est-à-dire le fait de réunir toutes les phases pour qu'elles expriment avec force un peu plus qu'un tableau, c'est-à-dire vraiment un acteur, finalement, par l'intermédiaire du crayon, en train d'interpréter un rôle. Comment, dans une galerie, concevez-vous la présentation de l'art de l'animation ? Parce que là, il ne s'agit plus d'un seul dessin de base ou d'une seule peinture, mais d'un ensemble, et qui produit l'effet. Et ça, c'est un art aussi. Alors ça, c'est un art majeur. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller... Qui n'existait pas, c'est vrai. J'ai eu la chance d'aller au musée Ghibli à Tokyo, qui est le musée de Miyazaki, où là, c'est parfaitement mis en valeur, puisqu'ils ont vraiment fait un petit bijou de musée qui montre en effet les étapes différentes du process de dessin jusqu'effectivement à la technologie d'animation fabuleuse. Ils ont des petites caméras et on peut même presque fabriquer son petit dessin animé soi-même. Ça, c'est extraordinaire. Le propos de la galerie, parce que là, il faut une technologie importante pour montrer ça. C'est l'avenir. Le propos de la galerie, c'est déjà de montrer aux gens, parce que je suis pas sûr que ce soit évident, que ces gens-là sont des artistes à part entière, quoi. Je veux dire, parce qu'encore une fois, comme on vient de le dire, souvent le dessin animé, c'est pour enfants, c'est un divertissement, et on se rend pas compte, derrière, c'est des artistes qui ont un coup de crayon fabuleux, qui ont pas grand chose à envier aux grands artistes qu'on retrouve dans les grands musées, sauf qu'ils sont vivants, qui font du dessin animé, et que du coup, alors ça, quelque part, ça les dévalorise un peu, parce qu'on dit, c'est de la BD, ou c'est du dessin d'animation, ou c'est du jeu vidéo, et donc c'est pas des artistes. Enfin, notre premier propos, c'est déjà de montrer qu'il y a des jeunes talents fabuleux, que des grands artistes du dessin d'animation sont des gens exceptionnels, qui ont même donné des images marquantes, c'est-à-dire que c'est des images qui nous marquent quand on est môme, c'est des images qui sont... Donc on peut pas, à un moment, les déconnecter de l'art contemporain. Ça, c'est le premier propos de la galerie, et après, c'est vrai que je pense que j'ose espérer, en tout cas, que ça donne envie aux gens de remonter le cheminement de ce que vous dites, c'est-à-dire que à partir du dessin de crayon qu'ils voient, on le voit mieux à l'exposition Miyazaki, parce que il y a des crayonnés, puis il y a des étapes intermédiaires, il y a des cellos, il y a des storyboards, etc. Donc ça, on le voit mieux. Mais disons que dans une galerie, on montre déjà les tout premiers crayonnés, et quand on voit le tout premier crobar de Mononoke, on se dit ouais, c'est ça à la base, quoi. Et là, je pense qu'on commence le cheminement intellectuel, oui. Et c'est fascinant de se dire, c'est un coup de crayon, quoi. C'est déjà le résultat dans le brouillon, n'est-ce pas ? On voit déjà ce que ça absolument. Doit devenir. Absolument. C'est vrai que Miyazaki nous disait, il fait pas mal le crayonné comme ça, et après, il les met partout, il les accroche dans le studio, et toutes les équipes qui bossent avec lui sont influencées par son environnement, la démarche, l'esprit dans lequel il veut aller. Et c'est vrai que ces coups de crayon sont vraiment déterminants, c'est effectivement l'expression absolue, quoi. Après, je pense que ça donne justement envie aux visiteurs de pouvoir tirer le fil pour remonter et voir un peu comment ça s'est fait. Alors c'est vrai qu'à l'exposition Miyazaki Moebius, il y a de grands documentaires sur le making-of de Miyazaki sur Mononoke, par exemple, qui dure 50 minutes, je crois, là, qui explique. Donc là, ça permet d'expliquer comment c'est fait, le parti pris créatif, comment sont faites les voix, comment est faite l'animation, la technologie du cello, qui est extraordinaire, surtout chez eux, parce que c'est vraiment extrêmement pointu. Et je pense qu'on arrive vraiment à bien cerner à la fois la naissance et le crayonné pur jusqu'à la perfection du film abouti. Oui, moi j'ai Alexis. Deux petites questions. la première, c'est en effet, on parle. Il y a un vrai changement chez les distributeurs, parce que si je dis pas de bêtises, Sony vous avez contacté pour Otomo. C'était comme ça que c'était passé. C'est-à-dire qu'ils s'étaient dit bon, qu'est-ce qu'on fait trop avec Otomo. D'un seul coup, on découvre en effet que ces gens sont aussi des artistes. Donc déjà, j'aimerais savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est passé pareil, BVI est venu, ou est-ce que d'un seul coup, bon, Miyazaki est un peu plus gros qu'Otomo. Et j'aurais juste savoir ce que nous, moi j'ai la chance de, donc aussi de voir l'exposition qui est absolument magnifique. Juste pour les gens qui sont fans d'animation, ça paraît évident parce que ce qu'on voit en effet, ce que disait Serge, les cellos, tout ça, c'est des choses qui nous touchent. On a vu le film. Et est-ce que vous avez eu des contacts de gens qui n'avaient pas vu les films de Miyazaki et qui, en voyant l'exposition, se disent ah, il y a quelque chose de magique derrière ça et j'ai envie de voir ce que ça donne animé. Ben je pense. Alors l'expo est ouverte depuis 3 jours, donc c'est pas évident hein, pour le feedback. Ce que je sais, c'est que quand je vois le livre d'or, ça a l'air vraiment de plaire. Je suis pas tout à fait certain que les gens connaissaient tout, parce que c'est, il faut quand même commencer à être gravement pointu pour tout avoir vu, etc. Certainement, certains ont vu Chihiro, mais c'est vrai que je pense que ça donne envie, comme disait monsieur, de s'intéresser profondément et surtout de regarder différemment quoi, les films. Quoi. J'ai eu la chance récemment de voir Le Château Ambulant, le prochain film de Miyazaki. Et justement, j'étais en train de faire l'exposition, donc de voir les croquis préparatoires, de voir. Et quand on prend Le Château Ambulant en pleine figure comme ça, enfin ça lui donne une dimension de artistique. À un moment, j'avais l'impression de voir vraiment une œuvre d'art. Alors que certains, enfin, rien n'est négatif, mais au-delà du dessin animé, d'un seul coup, on prend la mesure de ce que c'est, quoi, la mesure du travail, la mesure du graphisme, de la sensibilité. Ça, c'est fabuleux. Et pour Otomo, c'est vrai que les gens de Sony m'ont contacté, mais c'est vrai. Alors, c'est la galerie qui est la galerie Art Ludique, donc que vous connaissez peut-être sur l'île Saint-Louis. Je pense qu'on a été, a priori et d'après mes sources, les premiers. Et j'ai croisé Guillermo del Toro, le réalisateur de Hellboy. On a la chance parce que les grands réalisateurs américains viennent nous voir à la galerie maintenant. Ça, c'est, ils sont venus nous voir pour dire mais c'est génial que vous ayez ça ici parce que nous on n'a même pas ça à Los Angeles, etc. C'est vrai que le concept de dire mais attendez les gens qui sont dans la BD, dans le cinéma, dans le jeu vidéo sont des artistes contemporains. Donc nous on ouvre une galerie d'art contemporain. Et ça, je crois que personne l'a fait. Donc c'est vrai que du coup. Mais quand des gens de la pointure, de Otomo, etc., viennent à Paris, les gens commencent à nous contacter, on en est content, en disant on a Otomo, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous ? Ça, c'est génial, je dirais qu'on est. Enfin, c'est un rêve, quoi, clairement. Donc des choses qui peuvent se reproduire aussi. Ah oui, mais on en a plein. Mais on est très contents parce qu'en même temps. C'est vraiment, on a fait ça par passion à la base. Ouais. C'est évident parce que ouvrir une galerie, c'est pas gagné. C'était pas notre métier. On n'est pas des marchands d'art, on n'est pas des businessmen. Simplement, on côtoyait cet univers. Donc, on s'est dit, ces artistes sont là-dedans. Il se trouve que des gens comme Moebius, comme Otomo, évidemment, se connaissent. Moebius a travaillé avec Taniguchi, avec Miyazaki. Il a bossé à peu près avec tout le monde. J'ai rencontré Jeff Darrow, qu'on a exposé à la galerie Jeff Darrow, qui est le dessinateur qui a fait tous les dessins principaux de Matrix, par exemple. C'est des dessins qui font 2 mètres, 2 mètres 50, qui sont démentiels, quoi. C'est des trucs de fou. Qui est un copain de Mignolia, qui est un copain de... Du coup, il y a un côté... ils sont tous contents d'avoir quelqu'un qui les reconnaisse en tant qu'artiste, quoi. Bien sûr, ils sont tous reconnus, quelque part, etc. Mais c'est toujours... Mais leur dire, les mecs, pour moi, vous êtes... si je dois acheter quelque chose dans ma vie, plutôt que d'aller acheter un truc un peu, je sais pas d'où il sort, super cher, parce qu'on me dit, c'est super bien, vous connaissez pas, vous pouvez pas comprendre, mais c'est super bien... Là, c'est un dessin que j'aime, qui reste très accessible par rapport à des marchés qu'on voit à la FIAC, où c'est surréaliste. Là, ça reste très accessible. Et en plus, je m'éclate, quoi. Je m'assieds un dessin de Blueberry. Enfin, je me fais plaisir. Enfin, je trouve que ça manquait vraiment d'avoir une galerie d'art comme ça, qui soit pas arrogante, qui soit ludique. On l'appelait art ludique parce qu'à un moment, on accueille les gens avec plaisir, les écoles, les gens qui n'ont pas de sous, on s'en fout, quoi. Ce qui est bien, c'est de partager avec tout le monde cet état d'esprit, quoi. Et c'est vrai que ça fonctionne bien et qu'on en est vraiment content, quoi.